Bonne fin d'après-midi, il est 17h. Une fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet, sur le 94.2 ou peut-être sur www.fadjet.net. Il est 17h, nous sommes le troisième vendredi du mois, vendredi 18 mars 2016, et c'est un coup d'œil dans le rétro. Alors effectivement, bienvenue à tous. Une fois par mois, on décrypte toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs ou sorties, les sorties au niveau local et national. Nous sommes une émission où on vous parle du passé au présent. Et donc chaque mois, on s'efforce d'avoir un invité. On a deux cas exceptionnels cette semaine. Et c'est un qui nous rejoint maintenant dans l'équipe. C'est Jack, entre autres. Après, je te présenterai Anaïk. Bonjour à toi, Jack. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est très heureux de t'accueillir ici dans l'équipe. Et bien, moi aussi, je suis extrêmement content de revenir. Pour longtemps, j'espère. Et puis pour le format qui a augmenté, qui est un format de 1h maintenant, de 17h à 18h. Donc on a le temps, on n'a plus besoin de se presser. Et puis ma partenaire qui est là habituellement, effectivement, c'est Anaïk. Bonjour à toi, Anaïk. Bonjour à tous. Ça va ? Ça va bien, merci. T'es contente d'avoir augmenté le format d'une heure ? Bah, je suis contente, et puis en plus je suis bien entourée. Voilà, on a la seule nénette, donc la seule nénette. Donc on a plus de temps. Et effectivement, il y a aussi notre invité du jour. On vous le présentera d'ici quelques instants. C'est Clément Contardé pour l'association Le Club Saint-Lambert. Tu peux nous donner un petit peu le programme du jour ? Alors, au sommaire donc de cette nouvelle émission, nouveau format, donc effectivement, on va jeter plus qu'un coup d'œil, parce qu'on va bien prendre le temps d'en parler. Donc le club, ouais, Saint-Lambert, donc avec son président qui est parmi nous, donc Clément Contardy. On parlera aussi d'un meuble qu'on voit un petit peu partout, un meuble ancien qui revient qui aussi revient, donc qui est la coiffeuse, effectivement. Bien sûr, Jack, donc qui est avec nous pendant sa chronique, son retour sur une, parce que Jack il est partout, hein. Faut réussir à le choper au vol, hein, quand c'est il vrai, passe, oui. Là il est passé juste au-dessus de Fadjet il y a une demi-heure. On l'a je remercie les dieux du réseau ferré de m'avoir permis d'atterrir, voilà, là. Effectivement, parce que du coup, voilà, Jack il est sur toutes les routes pour notamment pas mal de blogs. On peut dire que tu es blogueur, entre autres. Oui, c'est ça, on peut dire que je suis blogueur effectivement sur 3 blogs actifs. Et puis également, je collabore au magazine Rétro Passion Automobile qui, ouais, est disponible dans les kiosques depuis le 7 de ce mois-ci. Et depuis aujourd'hui, on peut le dire ainsi, il participe aussi activement à notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Donc voilà, c'est lui qui va faire une petite rétrospective, justement, alors il y aura 3 fois rétro dans cette phrase, sur un événement qui a eu lieu il y a quelques temps, c'est le salon Rétromobile. Tout à fait, salon Rétromobile qui avait lieu à Paris au mois de février. D'accord. Et dans un troisième temps, ou un quatrième temps, nous parlerons, nous ferons les sorties locales, nationales, oui, mais Grand Est. On parlera aussi de mode, aussi, ah, avant les sorties, parce qu'il y a beaucoup de choses, donc on parlera de mode et on en a déjà parlé dans le coup d'œil dans le rétro, mais là je vais plus m'attarder sur une montre en particulier, la montre Gousset, en fait. Ah. Voilà. On y reviendra ça tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Et bien voilà, l'émission est lancée, les amis. On va commencer tout de suite. Et bien on va l'accueillir ici dans les studios. Et bien c'est notre invité du jour. Et c'est Clément Contardy qui est président de l'association Le Club Saint-Lambert. Alors bonjour Clément. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, j'ai bien prononcé, c'est une association, Club Saint-Lambert ? Oui, tout à fait. Alors, qui propose en l'occurrence de faire revivre la culture rétro en organisant des événements qui couvrent une période assez large, hein, de 1920 à 1960, sur l'agglomération nancéenne. Alors, j'aurais pas dit mieux. C'est vrai ? Ouais, alors voilà. Du coup, la première question que je pourrais te poser, c'est comment est venue l'idée de créer cet asso ? Bah écoute, déjà c'est vrai qu'il faut dire que le rétro revient beaucoup à la mode, certes, mais c'est une passion que je cultive depuis tout petit, notamment le jazz des années 20 à 30, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré, que ce soit par mes parents ou que j'ai entendu dans les films, les pubs, etc. Et j'ai toujours aimé, j'ai la chance d'avoir un bel appart à Nancy, et j'ai toujours aimé recevoir des copains chez moi. Et organisé des petites soirées, et petit à petit qui sont devenues de plus en plus grandes, jusqu'à ce qu'en 2014, en août 2014, je me retrouve avec des amis à organiser la venue d'un pianiste américain de jazz des années 20, spécialisé là-dedans. D'ailleurs, on écoutera un titre de lui tout à l'heure. Tout à fait. C'est voilà. Comment son nom? Alors, il s'appelle Ethan Uslan, il vient de Caroline du Nord. Et donc, il est venu à Nancy en août 2014 jouer dans plusieurs endroits de Nancy, dont chez moi, et également dans un restaurant chez Vassili. Et du coup, beaucoup de gens nous ont dit à l'époque c'était super, c'est incroyable ce qui s'est passé ce soir. Les gens s'arrêtaient dehors du restaurant, ils voulaient rentrer, etc. Et tout le monde nous a dit, mais faites quelque chose, faites un vrai truc, je sais pas, moi, appelez ça le club comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Et puis, on a concrétisé ça quelques mois plus tard. Et en décembre 2014, on a déposé les statuts et le club Saint-Lambert était né. Le club Saint-Lambert était. Voilà. Alors pourquoi le club Saint-Lambert? Parce que moi je me suis posé la question, mais j'ai fouillé, mais j'ai pas trouvé en fait l'info. Il y a une réponse. Il suffisait de demander au président. Et parce que tout simplement j'habite rue Saint-Lambert, et le siège social de l'asso est chez moi. Voilà. D'accord. Voilà. Heureusement que tu n'habitais pas, dans une rue. Le club Jeanne d'Arc. Ouais. C'est sûr. Bon, écoute, par les anciens, on connaît pas. Le club des Saint-Piquet. Voilà. Il pouvait y avoir pas mal de. Et donc du coup tu l'as pas créé seul. On a eu notre réponse, voilà. Et depuis donc 2014. Et alors vous organisez quel style d'événement? Alors déjà on organise des événements rétro forcément, mais qui sont principalement tournés autour de la musique. On fait intervenir en général des musiciens, on fait la part belle à l'acoustique. Donc quand je dis acoustique, je veux dire prestation en direct, pas de filet de sécurité. Donc voilà, mais pas uniquement de la musique. Ça nous est déjà arrivé de faire des soirées jazz-œnologie, enfin tourner un peu plus vers le côté œnologie, avec un partenariat avec un caviste de Nancy, mm-hmm. qui nous faisait goûter des cépages français apparus dans les années 20-30. On a fait des soirées cinéma muet aussi, en partenariat avec le Crous, au ciné-club de Sauru, mm-hmm. de l'École des Mines. On a passé des Chaplin dans cette salle de cinéma, et on faisait jouer un pianiste en direct. Donc, c'est chouette ça. Ouais, voilà, on essaye de couvrir la culture de manière générale de l'époque là. Alors, bien entendu, ce qui parle le plus aux gens de l'époque-là, c'est le jazz, notamment tout ce qui est Charleston, tout ça. Ça fait tout de suite tilt. Ça fait tilt dans la tête des gens. Tout à fait. Mais on essaye un petit peu de s'ouvrir par rapport à ça. Voilà. Donc pas uniquement rester fermé sur concert de jazz. D'où notre prochain événement, par exemple. On y reviendra tout à l'heure. Et du coup, je dirais pas populariser un peu ces parce que c'est vrai qu'effectivement, on en avait discuté un petit peu. Quelqu'un qui ne connaît pas pourrait dire que c'est une affaire de spécialiste. Et en fait, ce n'est pas l'idée de l'association, c'est de rendre ça accessible, fun. Ouais, voilà. On essaye de rendre tout à fait accessible à tous. Voilà. Et de casser aussi l'image un peu sirupeuse que peut avoir le jazz. Mais moi, j'adore quand on me dit j'aime pas le jazz, en fait. Parce que du coup. T'as oublié de les convaincre. Voilà, j'adore quand on me dit ça, parce que du coup, je dis ah bon, t'aimes pas quoi on écoute un truc, genre, mais oui, mais ça, c'est le jazz des années 60. Attends, écoute 25, tu verras. C'est donc tu peux t'essayer de trouver des arguments. Ça. Et t'arrives écoute, jusqu'à présent. Les événements sont remplis. L'asso est toujours vivante. Ouais, ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Et pareil, vous avez un lieu en particulier ou non pas Alors, pas... justement, pour répondre à la question, on n'a pas de lieu en particulier. On essaye, alors nous on fait environ 6 événements par an, on est sur une fréquence de 1 tous les 2 mois environ, et à chacun des événements on essaye de changer de lieu et de thème, et aussi de période historique, pour ne pas sombrer dans la redondance, quoi. Voilà, donc on fait des partenariats avec des commerçants locaux. Donc on a fait caviste, ciné club comme j'ai dit, restaurateur, on a déjà fait un événement au parc. Chercher des petits lieux atypiques aussi. C'est ça, voilà, ouais, des lieux atypiques nancéens. Ouais, tout à fait. Voilà, donc comme dit sur notre joli site internet, en plein air, dans une salle, chez un caviste, dans un restaurant, on essaye de varier les plaisirs, quoi. Effectivement, on l'a dit, je sais plus combien il y avait d'adhérents dans ton association. Alors, donc on fait les clôtures des adhésions. Les adhésions se font jusque le 31 décembre de l'année en cours. Ouais. Et donc en décembre 2015, on avait 106 adhérents. Et donc on a réouvert les adhésions en janvier. Et là, on est 68. Ouais, mais c'est beau, hein. Et tous âges. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a des gens de tous âges, de tous horizons. Alors, en fait, c'est ça qui est génial. Ouais. C'est que justement, on essaye. Pour aller encore plus loin dans notre volonté de casser justement d'ouvrir à un plus grand nombre possible cette culture-là, on essaie aussi de casser les clivages sociaux, et on se retrouve dans des soirées à avoir des gens de de 60, 70 ans qui sont à la même table de gens d'une vingtaine d'années. Il y a même des soirées où les gens dansent à nos soirées et on a déjà vu des couples de danseurs se former juste pour la soirée-là avec 50 ans de différence entre les deux. Ça, c'est génial, ça, ouais. Effectivement. Bah, justement, on parlera d'un événement, de cet événement en particulier dans un deuxième temps. On continuera à parler de l'association. On va s'écouter un titre qui te tient à cœur. C'est Everybody Loves My Baby. C'est ça, un titre de 1925 de Fats Waller. Alors pourtant j'ai un accent. Alors le matin, sauf que je fais les matinales aussi ici, c'est une catastrophe. Alors je sais pas si je suis anglais le soir et français le matin, mais je n'arrive pas à prononcer un seul titre en anglais. Et puis là, bah du coup, c'est la moustache. Ça. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est ça, c'est la moustache française. Et du coup là, je me suis efforcé, je l'ai travaillé. Everybody Loves My Baby, un titre de 1925 de Fats Waller. Alors tu peux nous dire peut-être un petit truc là-dessus. Alors Fats Waller, c'était comme son surnom l'indique, c'était un type énorme. Il faisait 125 kilos à l'adolescence. Ah. Et c'est un type que vous avez tous probablement vu en photo un jour ou l'autre. C'était un énorme black avec un tout petit chapeau melon blanc sur la tête, des sourcils très très gros. Ah, oui, c'est et il était toujours, il était au piano et il jouait du stride, ce qu'on appelle le stride, c'est un style de piano qui vient de Harlem, qui était beaucoup joué dans les maisons closes à l'époque et les saloons aussi au début. Si vous avez vu un épisode de Lucky Luke, voilà, il y a Fats Waller. Ah oui, exactement. D'ailleurs, on va essayer de mettre sur la page Facebook Fats Waller. Il a une super tête. Il a une super bouille. Donc d'ailleurs, oui, effectivement, n'hésitez pas à nous rejoindre hein, aussi eh bien, sur la page 94.2. C'est un coup d'œil dans le rétro. Faites-nous part un peu de vos avis, parfois aussi même des musiques que vous avez envie d'écouter ou des petites dédicaces. On peut les faire à l'antenne puisqu'on est en direct. Donc on va écouter tout de suite ce titre, Clément, que tu nous conseilles, Fats Waller. Ça commence comme ça, c'est Everybody Loves My Baby. Vous êtes dans un coup d'œil dans le rétro, il est 17h11, le week-end doit bientôt commencer, prenez le temps. But my baby don't love nobody but me, nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. She's got a form like Venus, honest, I ain't talking Greek. No one can come between us, she's Bathsheba, I'm a sheep. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me, nobody but me. That's it, serenade, my baby. Everybody Loves My Baby, un titre de 1925. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Effectivement, comme nous l'a dit Clément juste avant, c'est un titre de Fats Waller. Donc n'hésitez pas à aller chercher sur la page Facebook donc, de l'émission. Allez, on poursuit tranquillement. On parlera dans un deuxième temps tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, eh bien, de l'association, hein, du Club Saint-Lambert, avec son président qui est parmi nous cette fin d'après-midi. Et là, on va tout de suite continuer avec une chronique, parce que chaque mois, on a des parties déco, parties mode. On essaye un peu de vous faire revivre des choses qui reviennent justement au goût du jour. Et cette fois-ci, ce mois-ci, eh bien, c'est la coiffeuse. Alors la coiffeuse, c'est un meuble, il faut le dire, qui fait son grand retour, n'est-ce pas Naïk ? Oui, c'est vrai qu'on en voit quand même pas mal dans les grandes enseignes, les grands magasins de meubles. Donc j'avais envie effectivement de revenir un petit peu sur ce meuble ancien. Effectivement, quand on est une fille, on adore un peu voilà, les coiffeuses, qu'elles soient petites ou grandes. Ce meuble, en fait, il a souvent été considéré pendant longtemps comme un meuble un peu désuet. Et en fait, il est redevenu un peu élégant. Et je trouve que maintenant, c'est un véritable meuble de beauté. Il revient vachement à la mode. Et moi, j'aimerais bien en avoir une en fait dans notre chambre. C'est joli, c'est sympa. Alors parfois, c'est souvent des petits miroirs quand même. C'est pas forcément. C'est aussi l'objet de déco en lui-même qui est beau. Oui, c'est vrai que c'est l'objet des. Est-ce pratique réellement ? Je ne sais pas. Alors, oui, je vais vous raconter parce qu'il y a plein de secrets en fait sur les coiffeuses. Donc, alors les origines de la coiffeuse, faut savoir que ça s'est apparu en fait au début du XXe siècle, donc pour désigner donc effectivement le meuble de l'élégance de la femme. On l'appelait à l'époque aussi bonheur du jour. Ah, ça fait très romantique. Oui, c'est vrai que c'est joli. Alors la coiffeuse, en fait, elle est constituée effectivement d'une surface plane, d'un ou plusieurs miroirs et de tiroirs dans lesquels les femmes en fait mettaient des objets de toilette. Pour la petite histoire, en fait, il y a certains modèles en fait qui possédaient plusieurs tiroirs qui étaient en fait cachés. Qu'est-ce qu'on mettait dans les tiroirs cachés ? Et en fait, les femmes visiblement pouvaient y placer en fait des lettres d'amour de leurs amants, tu vois. Voilà, des lettres d'amour de leurs amants. Ils se trompaient déjà à l'époque, c'est incroyable. Non, pas du tout. Mais oui, tu penses. Hein, donc l'ancêtre de la coiffeuse aussi, il faut savoir que c'est la table de toilette. Oui. Qui était donc en fait le meuble de la seconde toilette. Alors je ne sais pas si vous comprenez bien ce que c'est je suis en train de dire. Toilette. En fait, la première toilette en fait constituée donc d'abord donc à se laver, tout simplement. Et la seconde en fait pendant le temps des invitations des marchands de mode, de visiteurs ou de courtisans, c'était plus un moment de luxe et de plaisir. Donc on se lavait dans un premier temps et après en fait on avait cette espèce de moment où on se parfumait, on se poudrait, On se mettait en beauté. Exactement. Donc au XVIIe et XVIIIe siècle, donc les hommes aussi faisaient donc cette fameuse seconde toilette, parce qu'à cette époque aussi les. Alors les hommes utilisaient aussi des coiffeuses. Tout à fait, oui. Hein, messieurs. Mais est-ce qu'à l'époque c'était pas plutôt de la dissimulation plutôt que vraiment de la toilette? Ça aurait pu être ma question aussi. Je crois que. Se lavait pas énormément. Voilà, la cour du roi soleil. En fait, il y en a qui passaient directement à la deuxième toilette. Effectivement, il y avait une hygiène qui était assez déplorable et les gens cachaient plutôt les odeurs corporelles avec. C'est pas faux. Mmh. Donc, je sais pas si je m'annonce. 17e, 18e aussi? Oui. Surtout. Donc en fait, pour revenir donc à cette table de toilette, j'aime bien son nom. Donc en fait, c'était souvent en bois précieux, acajou ou bois de rose, rendant en fait importante la personne en fait qui se trouvait devant. C'était vraiment un objet de luxe. Complètement, voilà. Donc la coiffeuse en fait est devenue donc un meuble intemporel qui exprime l'élégance. Et aujourd'hui, il y a pas mal de designers donc qui s'en inspirent pour en créer des coiffeuses plus modernes. Maintenant, c'est vrai que nous, dans un coup d'œil dans le rétro, on est plus prône le recyclage. Voilà, on est plus badgé sur l'ancien. Donc the revival. Pour les amateurs donc de mobilier ancien, chargé d'histoire, la coiffeuse elle peut se chiner donc dans les brocantes ou les vide-greniers. Et c'est vrai qu'avec on est bientôt à l'arrivée du printemps, je pense que là vous allez pouvoir. Oui, là, ça va être la période des brocantes. Aller fouiller dans les brocantes. On peut aussi en trouver dans des grandes enseignes, qui proposent des coiffeuses plus modernes. Moi, j'ai quelques sites aussi que vous pouvez consulter si vous êtes plus branché coiffeuse ancienne, comme le site lesvieilleschoses.com ou encore V comme Vintage aussi avec Isabelle qui était déjà venue dans l'émission, qui en propose aussi. Voilà, des coiffeuses un peu rétro, vintage. D'accord. Ouais. Bon, bah écoute, nous suivrons. Alors effectivement, ça coûte un peu plus cher. Hein, déjà, d'en dénicher une en bon état, c'est vrai que c'est assez cher. Je pense que c'est un petit trésor, en fait. Voilà. Ce qui peut être sympa, c'est vraiment, peut-être pour ceux qui savent rénover, d'en dénicher une dans des brocantes ou même... plus des vide-greniers, parce que maintenant les vide-greniers, il y a aussi des vrais brocanteurs professionnels, donc c'est vraiment vrai. Essayer d'aller dans les vrais vide-greniers au fin fond des villages. Des fois tout simplement aussi, des fois chez les grands-parents aussi, des fois chez dans les greniers, les affaires. Non mais c'est vrai, il y a des vrais trésors et voilà. Et c'est vrai. Mamie, t'as plus besoin de ta coiffeuse, tu ne te coiffes plus, t'as plus de cheveux. T'as plus de cheveux, donc tu me la donnes s'il te plaît. Et effectivement, c'est une bonne idée. Alors faut avoir un petit peu de place aussi dans sa chambre, mais il y a peut-être des petits formats, il y a des plus petits formats. Il y a tous les formats. Voilà, il y a avec des grands miroirs, des petits miroirs, il y a tous les styles, toutes les couleurs. Moi je trouve que ça peut donner une ambiance très romantique, en fonction du modèle. Ça peut donner une ambiance vintage. Il y a tous les styles. C'est le mot de la fin pour cette chronique sur la coiffeuse, Anaïx. Bon conseil déco. Et donc là, on va s'écouter un titre aussi sur tes conseils à toi. C'est Electric Swing Circus, c'est Valentine. Voilà, on aime bien l'électro swing aussi, hein, c'est moderne. Oui. On aime bien aussi ça ici dans un coup d'œil dans le rétro. Donc vous êtes à l'écoute de notre petite émission sympathique jusque 18h aujourd'hui. Electric Swing Circus Valentine sur Fat Jet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fat Jet 94,2 en modulation de fréquence. Effectivement, nous sommes bien ensemble de 17h à 18h. Le format l'a rallongé hein, parce qu'on avait envie de vous dire de plus en plus de choses. Alors peut-être que plus tard, ça sera 17h à 19h, après 17h à 20h, après 17h à 21h. Non, peut-être moi, pas. Moi, il faut que je pose un CP aussi. Voilà, il faut poser des congés pour faire l'émission, effectivement. Mais une heure, ça nous permet d'avoir bien le temps de discuter justement avec nos invités et de vous faire profiter parce que l'actualité rétro, elle est bien présente ici sur notre région, sur notre département aussi, et voire même sur notre ville. Notre commune qui est Nancy. Et donc on va en parler encore avec une association qui est force de proposition en termes d'événements rétro. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous recevons notre invité du jour qui est le président de cette association, le club Saint-Lambert. C'est Clément Contardi. Alors moi, Clément, tout à l'heure, on a arrêté en fait en parlant des adhérents. Je voulais savoir effectivement, voilà, si je suis pas chanteuse, danseuse ou si je fais pas de la musique, est-ce que je peux adhérer au club Saint-Lambert et comment je fais en fait ? Eh ben, il faut payer. Bah voilà, je m'en doutais. Simple, en fait. C'est très simple. Bah oui, très simple. Voilà, ma trésorière est contente. Je l'ai dit. Voilà, payer. Alors, eh ben écoute, c'est très simple. Effectivement, il suffit de nous contacter. Donc à l'adresse mail contact@clubsaintlambert.fr ou via la page Facebook. La page Facebook, c'est Club Saint-Lambert seul. Tout simplement, ouais, Club Saint-Lambert, voilà, en toutes lettres. Et oui, alors voilà, c'est important. C'est bien que tu poses la question parce que on nous a souvent demandé s'il fallait jouer de la musique pour arriver dans l'asso ou s'il fallait nous aider à organiser ou autre. Non, justement, au contraire. Si tu ne sais rien faire, tu es la bienvenue. D'accord. Parce que justement, j'ai tout à apprendre. Voilà. Mmh. Ouais, c'est surtout. En fait, c'est l'équipe, le club qui s'occupe de tout. On vous prépare les événements. Et vous, en tant qu'adhérent, vous recevez le mail, alors salut les gars, dans trois mois, il y a tel événement, et dans six semaines, il y a tel truc. Si vous voulez venir, vous pouvez réserver, vous paierez moins cher que le grand public. Ouais. Voilà. Alors c'est ça, quels sont les avantages justement ? Eh ben, on fonctionne un peu comme une boîte d'événementiel rétro, c'est-à-dire que nous, on propose les événements, et vous, vous venez ou vous venez pas. Alors, si vous êtes adhérent, vous recevez l'info avant le grand public, ouais. Voilà, en newsletter, voilà, en mail personnalisé, avec un petit visuel, etc., et toutes les infos. Donc ça c'est le premier avantage, une primauté d'accès, des infos en avant-première. Ouais. Et vous avez aussi des tarifs préférentiels sur le grand public. C'est-à-dire que l'intégralité de nos événements sont publics, ils sont ouverts à tous et à toutes et à tous, mais il y a juste priorité à nos adhérents et les adhérents payent forcément moins cher que le grand public. Quoi. Voilà. D'accord. Et du coup, donc, on parlait d'événements. Je suis sûre. Il y a un futur événement donc qui se profile d'ici peu. Le Rock and Boogie. Voilà, qui se passera donc le 24 mars. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous donner envie de venir. Envie de venir. Même si nous, on a déjà plus ou moins envie de venir déjà. Oui, moi personnellement, j'ai très envie d'y aller. Alors, oui, donc ça s'appelle Rock and Boogie. Tout à fait, tu l'as très bien dit. Donc, c'est un piano solo d'une heure et demie. Qui se passera à la salle des fêtes de Vendeuve. Alors c'est une vraie performance. Ouais, c'est une performance en direct sur un piano acoustique. On fait venir un piano droit sur la scène et le type, l'accordeur vient juste avant le spectacle et le mec il joue en direct sans filet de sécurité pour le public. Donc le principe c'est que il y a une scène, il y a un décor sur cette scène à côté du piano qui rappelle l'Amérique des années 20 et de la Prohibition. Donc c'est des caisses de whisky, un gramophone, enfin je vous dévoile pas tout. Oui. Mais le principe c'est que si on vient le soir-là à l'événement, on quitte les beaux quartiers et on plonge dans les ruelles malfamées de la Nouvelle-Orléans de 1900. D'accord. Et en gros, on ressort de là. On est en immersion totale. Voilà, c'est ça. Et on, Sébastien Trenelet, c'est le nom du pianiste, oui. Qui est strasbourgeois, va nous apprendre comment est né le jazz, tout simplement. Donc, il va nous jouer des morceaux de 1890, 1900, 1910. Et il a un petit micro et en même temps, il a des anecdotes, des histoires drôles et des petites histoires comme ça où il raconte un peu ce qui se passait à la Nouvelle-Orléans en 1900. Il parle des esclaves noirs qui sont venus d'Afrique pour travailler dans les champs de coton, qui ont ramené leur culture et leur musique africaine avec eux. Ça s'est mélangé à la musique blanche, la musique classique et ça a donné des choses... comme on a entendu tout à l'heure. C'est ludique, c'est aussi encore une fois accessible. Oui, c'est ça, tout à fait. On doit venir habiller, enfin en tenue de l'époque. l'époque, alors, ou c'est mieux, j'imagine. Alors, on l'encourage toujours avec plaisir et fortement, parce qu'il y a toujours des gens qui sont tellement passionnés et qui nous suivent tellement et qui adorent ce qu'on fait, qu'ils viennent en uniforme, en trois pièces. Les dames, elles viennent en robe avec un chapeau, un bandeau Charleston, etc. Elles s'habillent, elles se maquillent sur leur coiffeuse avant de venir, et puis voilà. Oui. Donc c'est tout à fait. Voilà, c'est ça. Et je pense que quand on va dans ce type d'événement, on a envie forcément de jouer le jeu. Oui, parce qu'on marrant. Aime cette époque, on n'aime pas forcément que la musique, on aime aussi les vêtements en général. Voilà, je pense que ça va de pair. On est, c'est du domaine de la passion. Donc quand on est passionné, pour avoir vu et rencontré pas mal de gens du monde rétro, peut-être à la différence d'autres passions, on s'immerge au niveau vestimentaire aussi. On rentre dans un personnage. C'est presque. Ça. C'est ça. Alors ouais, il y a des. On met entre parenthèses. Ouais, c'est ça. Alors quand on franchit le seuil de nos événements, on quitte 2016. C'est ça. On n'est plus en 2016. Voilà, l'idée c'est ça. Donc oui, effectivement. Il y en a qui jouent le jeu jusqu'au bout, hein. Ils s'inventent un nom et c'est super marrant. Et c'est ça qui est bien. Alors en plus, on va aussi pousser le truc. Nous, on va pousser l'immersion du spectacle jusque dans la salle. C'est-à-dire que le décor ne sera pas seulement sur la scène, mais on va aussi transformer la salle des fêtes en cabaret clandestin des années 20. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des tables rondes, on s'installe où on veut. Il y a du personnel qui vient. On pourra boire un coup, on pourra se restaurer sur place. Ouais, c'est complet. Fait. Et moi personnellement, effectivement, je me verrais pas venir. Sans tenue, parce que t'as l'impression, tu vois, ça fait une sensation un peu bizarre. T'arrives dans un monde où tu fais un voilà, bond dans après, le temps. Après, il y a toujours des gens aussi qui viennent juste comme ça en passant. C'est marrant aussi. Ils disent, mais dis donc, c'est marrant, ils sont drôles, ceux-là. Voilà, il n'y a pas de. Encore une fois, on est ouvert à tous. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas non plus. C'est pas une condition sine qua non pour entrer, mais oui, c'est marrant si on s'amuse à jouer le jeu. Il y a toujours au moins la moitié des gens qui le font. Quoi. Donc, marrant. Pour rappeler cet événement, il a lieu quand? Alors, il a lieu, je ne l'ai pas dit, donc oui, c'est une bonne question. Oui, c'est important. Il a lieu le jeudi 24 mars à 20h à la salle des fêtes de Vendeuvre. Donc c'est semaine prochaine. Hein, et donc si on veut réserver ou voilà comment on fait? Eh ben soit oui alors vous pouvez nous écrire sur Facebook, vous pouvez de toute façon vous allez voir il y a de la com qui traîne un peu partout, il y a un numéro de téléphone et l'adresse mail de l'asso. contact@clubsalonvert.fr, je le redis, pour nous écrire réserver. Alors sachant que on conseille toujours de réserver, mais vous pouvez toujours vous pointer, vous dessiner à la dernière minute et venir se dire bon, allez ce soir j'ai envie d'aller à Nouvelle-Orléans, je me décide au dernier moment, j'y vais et puis voilà, on va pas vous refuser bien entendu. Pour ceux qui veulent savoir aussi qui est Sébastien. C'est Trendley. Eh bien, il y a une vidéo hein, qui est sur YouTube, oui. Et même qui est partagée sur la page Facebook du Club Saint-Lambert, et qu'on va aussi repartager. Voilà, qui est une super bande annonce du spectacle qui s'annonce. Et sincèrement, c'est une vraie performance pour l'avoir vu. Hein, c'est assez exceptionnel. Et effectivement, moi, en tant que un peu novice aussi de ce style de musique, eh bien, c'est accessible. C'est vraiment l'idée. C'est ça. C'est qu'il nous apprend. Il se pose en. C'est pas en prof, mais c'est un peu, ouais, c'est un peu l'idée, un peu en, je sais pas dire, on raconte des un gentil animateur, voilà, quelqu'un qui nous raconte des histoires, un conteur, voilà, c'est ça, voilà, c'est plus ça. Un conteur, et en même temps, on apprend des choses, et je pense qu'on peut passer un super moment. Alors, les tarifs, c'est? Alors, donc on est sur un tarif, on propose un tarif réduit aux étudiants, oui. Aux demandeurs d'emploi, de 9 euros. D'accord. Et un tarif grand public de 12 euros, un tarif, voilà. Sachant que, on a aussi un tarif, bien entendu, pour nos adhérents à 8 euros. Et qu'il est tout à fait possible d'adhérer dans le même temps à l'association le soir même pour bénéficier directement du tarif à 8 euros. Donc je le répète, c'est le jeudi 24 mars, c'est le spectacle Rag & Boogie. Et donc c'est aussi pour découvrir les origines du jazz avec la ville de Vendeuve. Oui, Jack, tu voulais dire quelque chose? J'ai juste demandé à Clément le prix de l'adhésion pour. Ah oui. Alors notre adhésion s'élève à 30 130 euros. Eh bien c'est 20 euros par an. D'accord, ah oui, donc 20 euros par an. Finalement, sur toutes les activités qui sont proposées, il y a chaque fois une réduction par rapport à l'abonnement. Sur les boissons, on revient globalement vite dans ces frais. Oui, en fait. Tu rentabilises ton ouais. adhésion en venant à deux ou trois événements. Ah ouais, sachant c'est... que, en plus de ça, j'ai oublié de le dire, on organise un événement gratuit pour nos adhérents une fois par an. D'accord. Aussi, en remercier le troisième avantage. Et puis aussi le plaisir de participer à une aventure voilà. comme l'association. Et d'avoir une super carte d'adhérent très jolie. Ouais, c'est voilà. ça. Et l'ouverture un peu sur autre chose, les événements à venir, les idées, les projets sur le Club Saint-Lambert, ce sont lesquels? Alors, nous, dans un mois, le 29 avril, donc dans un mois, un peu plus d'un mois, on fait une soirée jazz-eno. On refait une soirée de jazz-onologie sur le thème Vieille France, Franchouillard, années 50. Donc il y aura du vin, des bons vins à déguster et un trio de jazz manouche qui viendra nous faire une super presta. Donc ça va plutôt être Django Reinhardt. Ouais. Voilà. Et celui d'après, c'est fin juillet, cette fois-ci. Donc ça se passe à Nancy toujours. Et on fait revenir le fameux pianiste américain dont j'ai parlé. Donc tu as parlé tout à l'heure, qui s'appelle notamment Ethan Eslan. Ouais. Ethan Eslan. Alors justement, on va s'écouter un titre d'Ethan Eslan. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce titre-là qui est Für Elise in Ragtime? Alors, donc c'est une musique que vous allez tous reconnaître dès les premières notes. C'est la lettre à Elise de Beethoven. Sauf que Ethan, lui, trouve ça trop chiant. Donc, il l'a transformé justement en ragtime, qui sera un des deux styles de musique qu'on entendra lors de notre prochain événement. Rappelle-nous très, très rapidement ta rencontre avec, qui est assez, assez intéressante, ta rencontre avec ce pianiste qui est mondialement connu finalement. Oui, ben en fait c'est le champion du monde de ce style de musique, de la musique avant 1930 au piano. C'est le champion du monde de ce style des origines du jazz. Et ben en fait ce mec-là, il a gagné plusieurs fois, plusieurs années d'affilée le titre de champion du monde à ces fameux championnats qui ont lieu tous les ans aux États-Unis. Et la musique que vous allez nous faire entendre juste après, sa prestation avait été filmée à l'époque et a été postée sur YouTube, a fait un buzz énorme. Et moi je l'avais contacté comme ça, j'avais été au culot, j'avais pris son nom sur YouTube, je l'ai tapé dans Google, j'ai trouvé son site web et je l'ai contacté en lui disant c'est génial ce que t'as fait, est-ce que je peux avoir une partoche, je sais pas, quelque chose. Et puis il me l'a envoyé et puis on est resté copains, on se faisait des Skype régulièrement. Et on s'était dit que si un jour tu viens faire une tournée en Europe, j'ai envie que tu passes par Nancy. Et c'est ce qu'il a fait. En 2014, il est venu. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu ce mec-là. Et ben c'est. Via cette musique. C'est, je trouve la rencontre assez magique. Oui, c'est un mec très ouvert, très. Tout à fait dans l'esprit de la musique de l'époque-là, en fait. Il est très dynamique. Et c'est un mec. Il est champion du monde, il fait des tournées en Europe, en Chine, tout ça, et puis il vient chez un inconnu, chez un étudiant, dormir, pas de problème. c'est franchement génial. D'ailleurs, on va s'écouter, donc on lui fait un petit coucou s'il nous écoute, mais pourra peut-être par ton intermédiaire écouter en podcast. Bien sûr. Va s'écouter son titre, c'est Für Elise in Ragtime. C'est Ethan Eslan, c'est ça? C'est ça. C'est une reprise de 1920. Thank you. Elise in Ragtime, la version revisitée, et bien sûr de la lettre à Elise de Beethoven. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors effectivement, je le disais, c'est l'arrangement et la prestation qui sont du pianiste américain Ethan Uslan. Alors on poursuit toujours avec notre invité du jour, mais aussi avec notre nouveau go. Un nouvel animateur chroniqueur qui nous atterrit tout droit, il revient tout droit de Stuttgart, c'est ça même. Eh bien j'ai nommé notre ami Jack. Alors Jack, eh bien, oula, j'allais tousser dis donc. J'ai eu la salive qui s'est coincée dans ma gorge. Jack qui nous fait le plaisir, effectivement, il a fait la mission la dernière fois, eh bien, comme invité. Et là, eh bien, cette semaine, il viendra peut-être plusieurs fois, hein, quand même, avec nous ici, dans un coup d'œil, même à chaque fois. Mais à chaque fois. Autant que possible. Mais tu m'as fait signer un truc. Ah, bah oui, c'est vrai, j'ai fait signer. Tu sais, tu peux plus partir, c'est fait. Voilà. Tu es accroché, agrippé par coup d'œil dans le rétro. Et là, tu nous fais un petit retour sur le salon Rétromobile, et notamment le salon Rétromobile 2016. Alors je précise, c'est 4 chiffres, c'est 28, 5, 8 et 54. Tu peux nous préciser un petit peu ? Exactement. Alors tout d'abord, 28. 28, c'est la somme record qu'a atteint la reine de la vente aux enchères. C'est la Ferrari 335 Scaglietti de 1957. En fait, cette voiture appartenait à Pierre Bardinon qui était un grand collectionneur de Ferrari. Il avait même créé un circuit qui s'appelait le Mas du Clos. On peut la voir sur Facebook, on a mis. Exactement, voilà, on a mis la photo sur Facebook. Et Pierre Bardinon était un collectionneur de Ferrari, à tel point que Enzo Ferrari disait pourquoi collectionner les voitures de course Ferrari puisque Pierre Bardinon le fait pour moi. En plus, effectivement, la voiture n'était vraiment vraiment pas chère, quoi. Non, une paille. Une paille. Avec les frais, la somme s'élève à 32 millions. 32 oh, millions. Oh, mais qu'est-ce que c'est? J'ai pas dit 21, j'ai dit 32 millions. 0,75. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une même paille. Les 0,75 me paraissent complètement tout à fait infime. Voilà. Voilà, c'est les 200 euros. Là, ça voilà, passe. 200 euros, ça passe. Ça pourrait le faire. En fait, ça devient la voiture la plus chère vendue aux enchères, hein, puisque avec les frais, là, vraiment 32 millions d'euros. Je répète, 32 millions d'euros. Mmh. C'est vendredi, faites un loto, on vous donne plein de chiffres. Là, voilà, 32 Bugatti Veyron, par exemple. Porte aussi ton. Ouais, c'est ça, 32 Bugatti Veyron. Hors taxe. Oh là là, c'est hors taxe. Sans l'autoradio. C'est incroyable. Sans l'autoradio. Ah bon. Il y a quand même le frein à main. On ne sait pas. Il y a un deuxième chiffre, c'est le chiffre 5. Voilà, tout à fait. Alors 5, c'est les 5 jours de salon. Le salon a duré donc pendant 5 jours. Des milliers de passionnés sont venus admirer les plus belles voitures du monde dans les deux halls. Il y avait un hall qui était exclusivement réservé aux ventes. On y a vu donc la fameuse vente Arturial avec la fameuse Ferrari à 32 millions. Mais il y avait toute une série de belles voitures. Et il y avait une collection de véhicules Citroën qui appartenait à André Trigano. Ouais. Trigano, tout le monde s'en souvient. Bah oui. Un des papes des vacances pour les Français. Oui, effectivement. Et le premier, peut-être dans les premiers. Ouais, exactement, voilà. Et donc toute sa collection Citroën était à vendre. Et là, il y avait de tout. De la B8, de la CX, de la traction, de la DS dans tous les sens, des capotables et compagnie. C'est vrai. Un rêve pour toi, quoi. Oui, alors moi. Je sais plus quelle marque, toi, t'étais. Bizarrement. T'aimes pas trop Citroën? Si, j'aime tout. Globalement, je suis pas difficile, mais ouais. Moi, je suis resté en. J'étais ébahi par une CX. Et eh oui, c'est bizarre, mais il y avait une magnifique CX 25 GTI Turbo 2. Ah oui, elle est quand même un petit peu. Et moi, ça me rappelait, voilà, les voitures que je voyais quand j'étais enfant. Voilà. Et la BX, à qui elle plairait autour de la table. Il y a un parrain qui plairait, hein, la BX. Pip. Oh, attends, elle monte aussi, elle descend à BX là. Ah, oui, exact, oui, ouais. Oui. Non, mais voilà, bon, ça rappelait un petit peu l'enfance. Et c'était surtout une voiture qui était proposée entre 6 et 10 000 euros, ce qui était largement plus réalisable pour moi. Bon, bah écoute, voilà donc, oui, Clément. Je me posais simplement la question du lieu. Il a eu lieu où ce salon Alors, c'était mobile à la porte de Versailles, comme une grande partie des salons qui ont lieu à Paris intramuros. D'accord. Porte de Versailles, c'est dans le 15e. Une fois chaque année? Tout à fait. D'accord. Et il y a le troisième chiffre, c'est le chiffre 8. Dis-moi en plus. Ah oui, alors la 8, attention, on va se fâcher. C'est le prix du sandwich. On va se fâcher. Le sandwich qui était proposé à 8 euros. aux légumes. Ouais, les légumes et du poulet. Mais du poulet qui n'avait jamais dû voir le jour. Voilà, c'est pas du la bière, du elle, de l'agriculture, hein. La bière a été proposée à 5 euros les 25 centilitres dans un petit gobelet. C'est pas possible. Tout rikiki. Bière à consommer avec modération, bien sûr. T'as pas pu amener ton fût ? Non. Et la bouteille d'eau de 25 centilitres était à 3,70. Ouais, autant donc, dire qu'il n'y a pas que les voitures qui atteignaient des prix records, la restauration aussi. Et là, je reviens de Stuttgart. Où tout est moins cher. Ma foi, c'était le paradis. Pas de queue pour se restaurer. La saucisse Wurst à 3 euros. Elle nous vend le. La bière à 2,50. Voilà, il nous vend c'est quoi, Stuttgart. La Wurst, c'est une saucisse blanche grillée en gros. Ah, ah, bon, c'est d'accord. Une spécialité allemande, Annick. Et Stuttgart, tu nous rappelles quel est pourquoi ? Alors, c'est le salon rétro classique qui est le pendant allemand de rétromobile, mais x9. Tu pourras peut-être nous en parler le mois prochain. Ouais, mais tout à fait. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et donc, le dernier chiffre, c'est quel chiffre ? 54 ? 54, Meurthe-et-Moselle. Oui. Alors, Rétromobile, donc, c'était le rendez-vous pour l'amateur de collection. Toutes les marques étaient là. Enfin, toutes les marques, non, presque toutes les marques. Il y avait Mercedes, Citroën, Peugeot, DS, hein, donc qui se séparent vraiment de Citroën, deux marques distinctes, même si elles sont les mêmes gènes. Oui. Maserati était là également, et Renault. Renault avait sorti le grand jeu avec une partie du patrimoine course, dont la célèbre étoile filante, que vous allez voir en photo sur la page Facebook. L'étoile filante qui fut construite en 56 pour battre le record de vitesse sur le lac Salé de Bonneville aux États-Unis. Ce drôle d'oiseau bleu établit le record, attention messieurs dames, 308,85 km/h. Ça s'envole. Hein. Et oui, ça s'envole. Hein. Elle est indétrônable à ce jour. Elle détient encore quelques petits records. Et il en reste un exemplaire sans le moteur qui est chez Renault. Mmh. Oui, sans le moteur. Le moteur, en fait, c'était une turbine. Et oui. Ah bon ? Et oui, pour atteindre ces vitesses, on. C'est quoi une turbine ? Explique-moi, parce que moi je ne sais pas ce que c'est qu'une turbine. Tu vois les avions ? Oui. Tu vois les réacteurs ? C'est pareil. En gros, c'est la même chose. En plus petit quand même. En plus petit, en moins compliqué. Parce que tu t'envoles, voilà. Hein. En gros, c'est la même chose. Et en fait, ils avaient estimé que le 4 cylindres de la Dauphine n'était pas suffisant. Elle fête un anniversaire aussi, cette étoile filante. Non, les 60 ans ? Bah oui. C'était en 56. D'accord. Voilà. T'as eu l'occasion aussi de faire une visite sur le stand de Renault ? Alors oui, voilà, donc du coup l'étoile filante était chez Renault parce que Renault avait sorti la plupart de ses trésors en fait. Et moi j'ai eu la chance, mais vraiment la chance, de faire le tour du stand Renault avec Jean Ragnotti, qui est la légende française du rallye. Jean Ragnotti a vraiment pris la peine de faire un tour du stand avec moi et d'autres blogueurs. Et ensuite je l'ai retrouvé et on s'est fait une petite séance nostalgie tous les deux. Et là, vraiment, c'est quelque chose, puisque Jean Ragnotti, c'est vraiment un dieu pour l'amoureux de voitures. D'accord. Et 54, alors pourquoi ? Oui. Parce qu'il y avait le club Rolls-Royce, avec le président qui a 54 Rolls-Royce. Pareil, un petit tarif léger, non, aussi, au niveau de Bill Buzzé. Mais bon, 54, donc je vais faire répéter quand même plusieurs fois. 54 Rolls-Royce. Elles sont toutes différentes ? Ah oui, là, il y a de tout. Il y a vraiment... Voilà, donc ça c'est assez exceptionnel. Et un monsieur très gentil, vraiment très gentil. Hein. Rolls-Royce, on a tendance à croire que c'est pour des gens d'une certaine élite. Et qui peut être, mais non, vraiment un passionné. Abordable. Exactement. Et alors par contre, au salon Rétromobile, on peut aussi admirer d'autres choses que des voitures. Exactement. Alors là, Rétromobile, il y a aussi des motos. Et il y avait des Riva, les fameux bateaux de luxe italiens en acajou. Magnifique. On peut voir sur les lacs italiens ou alors Monaco, sur le port. La perle de la Riviera. Voilà, les perles de la Riviera. Donc ça aussi avec des gros moteurs V8, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et là, c'était vraiment une chance de pouvoir les approcher d'aussi près. Il n'y avait pas que des bateaux non plus apparemment. Mais non. On pouvait aussi admirer des chars. Il y avait des chars. Donc il y avait un char qui était en action sur le parking. Oui. Et puis un autre qui était exposé juste derrière notre stand en fait. Moi j'étais sur le stand Rétropassion Automobile. Et donc là il y avait un char russe. Voilà, c'était l'occasion pour les gens de voir un petit peu ces monstres d'acier qui ont plus de 70 ans. Tu vois, je me posais la question de m'acheter un char à la place de la voiture. Juste qu'on change de station de garage. T'as plus de rayures. Hein, les mecs qui raillent avec la clé. Et ben ça n'existe plus. Non, mais pas discret, hein, parce que c'est vrai que le char qui était en démonstration faisait un bruit assourdissant et à 100 mètres on sentait les ça vibrations. Bougeait, quoi, ça c'était impressionnant. Ouais. Le prochain rendez-vous du salon Rétromobile, c'est quand ? Alors les dates sont déjà posées puisque ce sera du 8 au 12 février 2017. Donc tu nous conseilles d'y aller ? Ah moi je conseille d'y aller puisque on Paris c'est 1h30. Ouais, on y retrouvera bien sûr sur le stand de Rétro Passion Automobile. Et le prochain petit événement aussi qui dans le style, ça sera Automédon au mois d'octobre. Automédon. Automédon, c'est un mini rétro mobile, mais avec un parking exceptionnel avec plus de 1000 voitures de passionnés qui viennent exposer. On le rappelle ici, il y a des associations de voitures rétro, de rétro mobile, mais voilà des associations oui, de voitures anciennes. Ah, ici, oui, il y a pas mal de clubs. Il y a par exemple le club Vinette gratuite. Ouais. Il y a le club du musée automobile Lorrain. Et par exemple, Deux Chevaux Club. Ouais, oui, ça serait bien qu'on essaye de les inviter dans une prochaine émission. Oui, on l'a déjà dit, c'est vrai. Ouais, Deux Chevaux Club, ça serait intéressant. Ouais. Ou même un autre, mais très qu'on intéressant. Dans une prochaine ouais, émission. Parce qu'ils sont, ils ont énormément de voitures. Ils ont un lieu, leurs locaux sont assez exceptionnels, puisqu'il y a des morceaux de Deux Chevaux partout. C'est vraiment un endroit exceptionnel. Bon, bah écoute, merci à toi, Jack, pour cette rétrospective du rétro-mobile. Là, on a pas mal de rétro. On peut l'utiliser à tout va, dans notre émission. À toutes les sauces, voilà. On est des rétro-personnages aussi. On va écouter un titre un peu rétro, c'est The Rolling Stones. C'est Il tient à cœur ce titre, Jack. Ah oui, parce que bon, les Rolling Stones, en fait, c'est un groupe que j'ai toujours affectionné. Voilà, tout à fait, que j'ai toujours apprécié. Et donc, cette chanson a été enregistrée fin 68 à Londres. Elle est tirée de l'album Let It Bleed. Ouais. Et on va s'écouter tout de suite. Hein. Exactement. Donne-moi le titre. You can't. Non. Always. J'y refuse. Get. What do you want? Allez, c'est le titre des Rolling Stones. Il est 17h50 et on se retrouve juste après son ensemble jusque 18h. Vous êtes à l'écoute d'Un coup d'œil dans le rétro. Always get what you want. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Effectivement, si vous êtes avec nous, vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro et on vous en remercie parce qu'on y met du cœur dans cette émission chaque mois pour vous faire partager de toute l'actualité rétro hein, qui fait son grand retour depuis plusieurs années et notamment aussi au niveau local. C'est pour ça qu'on aura de plus en plus d'invités. Elle prend de l'ampleur cette année. Notre émission, on est très heureux. Il y a beaucoup et de plus en plus de participants, des chroniqueurs maintenant qui font partie là. Peut-être un deuxième chroniqueur aussi, Clément. Il viendra peut-être un peu plus régulièrement aussi dans l'émission, nous parler de sa passion, de la musique aussi. Peut-être d'autres chose, ça c'est aussi, elle est faite aussi pour ça, hein. Elle est collective, c'est une émission comme ça. Et donc on poursuit aussi sur la déco, la mode, l'accessoire de mode, c'est un peu ça ce dont on va parler à cette heure-ci. Et chaque mois, on parle justement de quoi, Anaïque ? Alors on va revenir sur un objet de mode dont on a déjà parlé dans un coup d'œil dans le rétro, la montre à gousset, je vais y arriver. La montre à gousset. Faut économiser notre salive, hein, c'est une heure maintenant. Donc la montre à gousset, alors pour en avoir une d'ailleurs, hein, je suis très content, mais d'ailleurs j'ai un petit problème au niveau du mécanisme, elle ne se remonte plus, donc il faudrait que j'aille voir un horloger. Ouais. Mais depuis quelques années, effectivement, la montre ne sert plus uniquement à connaître l'heure, mais elle est devenue aussi un accessoire de mode à part entière. On veut une montre qui correspond un peu plus à notre manière d'être, en gros, qui s'accorde un peu à tout, avec notre manière aussi de s'habiller. La première montre bracelet, elle a été inventée qu'en 1810 par Abraham Louis Breguet, comme la marque Breguet, pour la reine de Naples, Caroline Murat. Cet accessoire va rester l'apanage des femmes jusqu'en 1910. Et Omega, hein, tout le monde connaît, va créer sa première version en 1900. Louis Cartier va créer pour son ami l'aviateur Alberto Santos Dumont une montre qui s'arbore au poignet donc en 1906. La montre bracelet devient alors un accessoire masculin, puisque jusqu'alors, les hommes portaient des montres à gousset. La montre à gousset, alors le gousset est le nom de la petite poche des gilets qui est portée par les hommes, hein, dans laquelle ils plaçaient leurs montres attachées à une chaîne. Les montres à gousset font aujourd'hui un retour remarqué, on peut le noter, avec leur charme ancien, mais aussi intemporel. Les montres à gousset trouvent à nouveau les faveurs des nostalgiques et des dandys. C'est un dandy, toi. Ouais, je sais pas si c'est un dandy, mais effectivement, le vrai dandysme, c'est compliqué, hein, parce que c'est de la tête aux pieds, hein, faut pas rater un accessoire. Et elle est extrêmement répandue, hein, jusqu'au XXe siècle, qu'elle soit portée de manière habillée dans un gilet ou dans la poche d'une tenue de travail. Elle est dans les deux cas attachée grâce à une chaînette, hein, un vêtement. Pas le petit mousqueton, attention, hein, là on est sur une autre on est sur une autre catégorie. Le petit mousqueton du jean, c'est pas du tout pareil, hein. Et donc il existe plusieurs types de chaînettes de montre à gousset. Les plus pratiques sont des chaînes simples munies d'un fermoir circulaire ou d'un fermoir en mousqueton. Et les doubles chaînettes, il est impératif d'assortir sa chaînette à sa montre. Oui, parce qu'on va pas mettre de l'or avec de l'argent. Exactement. Effectivement. Voilà. Alors un exemple, les montres gousset Memento chez Timefy, c'est comme ça qu'on le prononce. Oui, c'est voilà. Ça. Montre gousset.net ou Perle du temps, c'est un article qu'on revoit aujourd'hui et je trouve très élégant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, autour de la table, mais je trouve ça très élégant. Moi, j'aime bien. Je trouve que on se distingue un petit peu quand on a une montre à gousset, en fait. C'est magnifique. Ouais. Tous les matins, quand je me réveille, mon premier réflexe, c'est de regarder l'heure sur la montre à gousset de ma table de chevet, bien sûr. C'est vrai? Non. Moi, j'y crois. Tu sais que j'y croyais aussi. Ça se pourrait, hein, que t'es aussi. Mais effectivement, j'en ai une. Alors, je l'ai hérité quelque part. Tu peux acheter d'une. Je crois que c'est d'un oncle, ou de mon grand-père, peut-être. Je ne sais plus. On me l'a donné. Et alors, faut en prendre soin parce que parfois aussi, on met une petite photo à l'intérieur, au dos de la montre. Oui, c'est ça. Ça peut être ça aussi, même si on part moins au front aujourd'hui. Mais bon, effectivement, et je trouve ça très classieux. Alors, par contre, pas toujours pratique, hein, parce que ça peut s'accrocher. Mais c'est pour les grands soirs et les galas. Il faut la mettre. Si tu viens jeudi prochain. Et voilà. Voilà une bonne occasion de venir. Justement, Clément, on en parle et on va faire sans transition aussi avec ta transition un petit tour du côté des événements ici en Lorraine. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors effectivement, on va faire aussi, on reparle un petit peu très rapidement de ton événement. Donc on le rappelle, c'est le 24 mars, Clément, c'est jeudi prochain à Vendeuvre. Donc le spectacle Rack and Boogie, hein, pour partir à la découverte des origines du jazz. C'est la salle des fêtes de Vendeuvre qui va se transformer en l'occasion en bar clandestin sous la prohibition. Donc on l'a dit, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, on relaie l'événement. Mais quoi d'autre aussi comme événement ce mois-ci, Yannick? Alors commençons déjà par alors ce soir, parce que oui, c'est le week-end, donc ce soir, je vous invite à aller au Classico Don Bar à Nancy à partir de 21h30 pour retrouver Wilfried Danse, pour danser sur du rock, du West Coast Swing, du boogie, pourquoi pas. Et on enchaîne aussi toujours ce week-end, samedi et dimanche, donc toujours avec Wilfried, donc avec des stages de rock et boogie, donc à Jarville. Et tout ça pour vous dire que samedi soir, en fait, il y a une grosse soirée rock'n'roll avec le groupe Les Hips. Hips Quarters Rockabilly. Merci. Mais demain, il y a aussi un atelier pin-up au Jean Lamour annoncé de 15h30 à 18h. Pour les passionnés des années 50, le boudoir de Lady Best, c'est une blogueuse, vous propose de se retrouver autour d'un verre et d'échanger vos astuces beauté, mais surtout de vous apprendre à réaliser vous-même coiffure et make-up de ces années-là. Le prix est 7€ par personne pour l'atelier, plus une consommation. Attention, les places sont limitées à 12. Il vous suffit de vous renseigner par mail sur leboudoirdelaladybest@gmail.com. Autre actu aussi, donc concert du groupe Rock Factory, donc qui propose un répertoire rockabilly, pop, rock allant des années 50 aux années 80. Ce concert donc, se passera au 611 à Toul, donc à partir de 21h. Et en fait, le groupe Rock Factory est composé de nombreux guitaristes ou chanteurs ou batteurs en fait, d'autres groupes plus connus dans la région. Le prix est de 5€, donc je vous invite à aller faire un petit tour. Et donc, voilà, c'est pour les événements de ce mois-ci. Malheureusement, on doit vous quitter. C'est la fin de notre émission. Là, ça a été vite encore. Ça a été encore vite, hein, ouais. Malheureusement. Mais on a une émission juste derrière. C'est Vous m'en lirez tant. Merci à toi, Clément. On relaie encore les événements sur la page Facebook de l'émission. Jack, on te retrouve le mois prochain. Exactement. Pour des nouvelles chroniques. On va parler allemand. On va parler allemand. Encore. Pas à nous suivre sur la page Facebook. On relaie tout ça. Les podcasts seront disponibles très, très rapidement. Et Anaïk aussi, le mois prochain. Prochain rendez-vous, normalement, le 22 avril. Parce que le 15, donc, ça sera les vacances scolaires. Effectivement, allez, les programmes continuent sur Fadjet. Restez à l'écoute ce soir. Eh bien, c'est en direct live de la MJC Pichon, les tremplins de la chanson, l'oiseau rare. Et on anime ce soir toute la soirée pendant 3 heures. Et c'est en direct sur 5 radios. Voilà, donc restez à l'écoute sur Fadjet. On vous fait des bisous, à bientôt. Ciao, ciao. Bisous.